Les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, notamment Kim Yong-nam, Fang Byung-so, Park Bong-joo et Choi Ryong-hae, et les députés qui prendront part à la 4e session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême, ont déposé le 28 courant les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigées sur la colline Mansu, avant de leur rendre hommage.